Chapitre 20e. Lorsqu'elle disait que son artiste était devenu fou, la discrète Madame Poilveux ne semblait pas fort éloignée de la vérité. Son opinion dut être celle de tous les gens qui aperçurent ce grand jeune homme, habillé de blanc, qui courait avec une incroyable rapidité le long des rues qui conduisent du quartier des Martyrs aux Champs-Élysées. En sortant de sa maison, il avait croisé un fiacre vide dont le cocher lui avait fait un signe engageant. La pensée d'y monter ne lui vint pas, mais il sourit de pitié. Est-ce que jamais les maigres roses de la compagnie auraient pu approcher de sa vitesse? Il allait à fond de train, les coudes au corps, ménageant son haleine, guidé à travers la foule par le pur instinct machinal. Son visage avait une si étrange expression qu'on s'écartait devant lui et qu'ensuite on se retournait pour le suivre des yeux. Il n'avait d'ailleurs pas l'ombre d'un projet. Pourquoi il courait rue de Matignon, ce qu'il ferait ou dirait, il l'ignorait. Il ne se demandait pas s'il restait une espérance. Sabine était malade, mourante, croyait-il. Il se rapprochait d'elle, voilà tout. À chaque moment, dans Paris, on rencontre des gens qui vont ainsi, traversant la foule affairée sans la voir ni l'entendre, poussés par leur passion comme les boulets par l'explosion de la poudre. C'est seulement en arrivant à l'entrée de la rue de Matignon que André recouvra la faculté de réfléchir, de délibérer, de souffrir. Autant pour recueillir ses idées que pour reprendre haleine. Il n'avait pas mis 20 minutes à faire ce trajet. Il s'assit sur une borne à quelques pas de l'hôtel de Mussidan. S'il était venu, c'est qu'il voulait des nouvelles précises, exactes, des détails. Mais comment s'en procurer? Quel expédient imaginer? Il faisait nuit. Le mince filet de gaz des réverbères tremblotait rougeâtre et sans rayonnement au milieu d'un de ces brouillards de février qui suivent toutes les reprises dégelées. Il faisait froid. La rue de Matignon, rarement animée, même de jour, était absolument déserte. Pas un fiacre, pas un passant, rien. Nul bruit que le roulement sourd et continu des voitures le long du faubourg Saint-Honoré. Mais les pensées du jeune peintre étaient plus lugubres encore que cette nuit, que cette solitude, que ce silence. Il reconnaissait avec un mortel désespoir son impuissance absolue. La moindre de ses démarches pouvait compromettre celle qui lui avait confié son honneur. Il se leva, cependant, et alla se poster près de la grille de l'hôtel de Mussidan. Il espérait que l'aspect seul de l'hôtel lui apprendrait quelque chose. Il lui semblait que si véritablement Sabine était mourante, les pierres elles-mêmes le lui crieraient. Triste folie. La maison était comme perdue dans le brouillard, et il ne distinguait même pas quelle fenêtre était éclairée. La voix de la raison lui disait de se retirer, d'espérer, d'attendre. Plus impérieuse et plus pressante, la voix de la passion lui criait « Reste !» Et il s'obstinait à rester. Pourquoi? Il le savait. Il lui semblait que Modeste, lui ayant écrit, devait deviner qu'il était là, dévoré par les plus horribles angoisses, et qu'elle allait sortir, le chercher. Mais voici que tout à coup, il eut un cri de joie. Une idée de salut, pareille à l'éclair rayant la nuit, venait d'illuminer son cerveau. « Monsieur de Breul, s'écria-t-il, ce que je ne puis, il le peut, lui, il m'est facile d'envoyer prendre des nouvelles. » Par bonheur, il avait dans sa poche la carte du généreux gentilhomme. Tant bien que mal, il déchiffra l'adresse et s'élança comme un trait dans la direction indiquée. Monsieur de Breul Favarlet occupe, avenue de l'Impératrice, un bel hôtel où il est fort mal, assure-t-il, et pour sans raison. Mais ses chevaux y ont de l'air, de l'espace, ils y sont très bien, et il y reste. Lorsqu'André pénétra dans la cour, une voiture y stationnait. Dans le vestibule, brillamment éclairé, 4 ou 5 domestiques causaient et riaient. Il alla droit à eux. « Monsieur de Breul ? » demanda-t-il. Les valets le toisèrent d'un œil à la fois curieux et surpris. « Monsieur est sorti, » répondirent-ils enfin, « et pour longtemps. » André, qui avait retrouvé sa lucidité, comprit et n'insista pas. Il tira la carte de Monsieur de Breul et rapidement il traça au crayon ces 5 mots. « 1 minute. » Un service, André. Tenez, remettez ceci à votre maître dès qu'il sera rentré. C'est lentement qu'il s'éloigna. Il était certain que M. de Breul venait de rentrer. Il était sûr que dès que la carte lui serait remise, il le ferait poursuivre, rattraper. Ce qu'il prévoyait arriva, et 3 minutes plus tard, un laquais l'introduisait dans un magnifique cabinet de travail. À la seule vue de André, M. de Breul devina une catastrophe. Qu'y a-t-il ? Demanda-t-il. « Sabine se meurt, » répondit le jeune peintre. Et rapidement, il raconta sa soirée, la lettre de Modeste, sa course folle à travers Paris, sa station douloureuse devant l'hôtel de Mussidan. Mais à sa grande surprise, à mesure qu'il parlait, le front de M. de Breul se rembrunissait. Lorsqu'il eut fini, « Cette incertitude est affreuse, intolérable, et pourtant, il ne dépend pas de moi de la faire cesser. Cependant, c'est ainsi, mon cher André, malheureusement. Réfléchissez un peu. Hier, j'ai écrit à M. de Mussidan pour lui signifier la rupture d'un mariage presque décidé. Envoyer prendre des nouvelles de la santé de sa fille serait la pire des outrecuidances, une impardonnable impertinence. Expédier un de mes domestiques serait dire « Je me suis retiré, donc cette fille doit être sur le point de mourir de chagrin. » « C'est pourtant vrai, » murmura André abasourdi. M. de Brolle était aussi agité que le peintre, et la preuve, c'est qu'avant de se désespérer, il ne se demandait pas jusqu'à quel point étaient fondées les craintes qu'il partageait d'instinct. Il réfléchissait, cherchant un expédient praticable. « J'ai notre affaire, » s'écria-t-il enfin. « Je suis un peu parent d'une jeune femme qui est la cousine germaine de Mussidan, la vicomtesse de Bois d'Ardon. Elle sera ravie de nous rendre service. C'est une folle, mais elle a un cœur d'or. Ma voiture est attelée, venez vite. » Les valets étaient confondus de l'intimité qui semblait régner entre leur maître et ce jeune homme en blouse. Et lorsque la voiture s'éloigna, les emportant au galop, un vieux valet de pied, vétéran de la livrée, émit cette opinion qu'il devait y avoir quelque chose là-dessous. Pas un mot ne fut échangé entre les deux hommes durant le trajet, qui fut très court. L'hôtel habité par Madame de Bois d'Ardon ayant sa façade sur l'avenue des Champs-Élysées. La voiture n'était pas arrêtée que déjà M. de Brolle était à terre. « Attendez-moi là, » dit-il à André, « je reviens. » D'un bond, il fut dans la maison. « Madame ?» demanda-t-il au domestique qui le connaissait. « Madame reçoit. » Blanche, dodue, fraîche, souriante, blonde naturellement, rouge grâce à un artifice de toilette, ah, la mode, ayant les plus jolis yeux du monde, Madame de Bois d'Ardon passe pour une des plus agréables femmes de Paris. Elle a 30 ans. Elle sait tout, connaît tout, a tout vu, ne doute de rien, parle sans cesse, rencontre l'esprit souvent et la méchanceté toujours. On la dit très redoutable. Elle dépense 40 000 francs par an pour sa toilette, mais quand elle dit à son mari « Je n'ai pas une robe à me mettre sur le dos », elle dit vrai. Elle est gâcheuse. Capable des plus insignes imprudences, d'escapades inouïes, elle est fort calomniée. On lui prête libéralement des amants à la douzaine, jamais elle n'en a eu un seul. Avec ses allures incroyables, en dépit des vertiges de sa vie tourbillonnante, elle adore son mari et le craint comme le feu. Lui le sait et ne s'en vante pas. C'est un sage. Il laisse bien la vicomtesse s'agiter dans le vide, comme la marionnette au bout d'un fil, mais il tient ce fil d'une main ferme. Telle est, en toute vérité, la femme vers laquelle un valet, enivré trop voyante, guidait M. de Brolle. Madame la vicomtesse de Bois d'Ardon était dans un ravissant petit salon attenant à sa chambre à coucher, quand on lui annonça M. de Brolle Faverley. Elle venait de mettre les dernières épingles à sa toilette, la 5e seulement de la journée. Pour tuer le temps, elle examinait un costume coquet de Vivandière Louis XV, chef-d'œuvre de Van Kloppen, qu'elle devait revêtir en sortant des Italiens pour se rendre à un bal travesti à l'ambassade d'Autriche. À la vue de M. de Brolle, elle eut une exclamation de plaisir et battit gaiement des mains. Quoique se voyant rarement ailleurs que dans le monde, M. de Brolle et la vicomtesse s'aimaient beaucoup. Lorsqu'ils étaient plus jeunes l'un et l'autre, ils avaient passé bien des mois ensemble au château de leur oncle, le vieux comte de Faverley. Ils avaient gardé de leur relation d'enfance une affectueuse familiarité. Ils s'appelaient par leur prénom. « Comment, c'est vous, Gontran ?» s'écria la jeune femme. « À 7 heures, chez moi. Mais c'est un fait inexplicable et bizarre, un miracle, un rêve. » Elle s'interrompit brusquement, frappée de la physionomie bouleversée de son visiteur. « Mais qu'avez-vous » interrogea-t-elle. « Votre mine est funèbre. Vous est-il arrivé quelque malheur ?»« J'espère encore que non. Mais je suis horriblement inquiet. On vient de m'apprendre que Mademoiselle de Mussidan est dangereusement malade. Ah, mon Dieu ! Je m'explique votre chagrin. Et qu'a-t-elle, cette pauvre Sabine ? Je l'ignore, et c'est là ce qui m'amène. Je viens, ma chère Clotilde, vous prier d'envoyer un de vos gens à l'hôtel Mussidan s'informer de ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on m'a dit. » Madame de Bois d'Ardon ouvrait de grands yeux. « Plaisantez-vous ? Pourquoi ne pas envoyer vous-même ? Je ne puis. Et tenez, si vous êtes charitable, ne me demandez pas mes raisons. D'abord, je vous mentirai. De plus, je vous conjure de ne parler à personne de ma démarche. » Si oppressée de curiosité que fut la jeune femme, elle n'interrogea pas. « Soit, répondit-elle, je respecte votre secret. Seulement, vous pensez bien que j'irai moi-même chez Octave. Je partirai à l'instant, n'était que Bois d'Ardon, qui ne peut souffrir de manger seul, me gronderait. mais en sortant de table, je me mets en route. Merci, mille fois merci. Cela étant, je rentre chez moi attendre un mot de vous. Chez vous? Oh, pour cela, non, vous dînez ici. Impossible, un de mes amis m'attend en bas. À l'accent de M. de Breuil, la vicomtesse comprit qu'insister serait parfaitement inutile. Elle se tint pour battue, elle se promettait bien de prendre sa revanche. Elle flairait vaguement une énigme et elle se jurait de la déchiffrer. « Puisque c'est ainsi, fit-elle du ton le plus détaché, je vous promets une lettre dans la soirée. Maintenant, allez vite rejoindre votre ami. » M. de Breuil serra affectueusement la main de la jeune femme et se hâta de descendre. Dès qu'il sortit de la maison, André courut à lui. « Eh bien ?» Si courte qu'eût été l'absence de son compagnon, le jeune peintre n'avait pas eu la patience de l'attendre dans la voiture. Il piétinait fiévreusement sur le trottoir. « Reprenez courage, » répondit M. de Breuil. « Madame de Boisdardon n'a pas été informée de la maladie de Mademoiselle Sabine. C'est bon signe. En tout cas, avant 3 heures, nous aurons des nouvelles précises. »« 3 heures ?» soupira André, du même ton qu'il eût dit. « 3 siècles. »« Oui, c'est long, je le sais. Mais nous parlerons d'elle en attendant. Car nous ne nous quittons pas. Je vous emmène. Vous partagerez mon dîner. » André fit un signe d'assentiment et reprit sa place dans le coupé qui rebroussa chemin au galop. Il n'est pas d'énergie qui résiste à plusieurs heures d'angoisse et de lutte. André, depuis le matin, avait eu plus d'émotions peut-être qu'en toute sa vie. Après une exaltation voisine de la folie, il se laissait aller à cet invincible engourdissement qui suit toutes les crises douloureuses. Les gens de M. de Breuil avaient été bien surpris lorsque leur maître était sorti avec ce grand jeune homme en blouse blanche. Ils furent stupéfaits de les voir entrer ensemble. L'aventure, enfin, prit des proportions fantastiques quand ils virent le hautain gentilhomme qu'il servait s'asseoir en face d'André dans la magnifique salle à manger et faire retirer jusqu'au maître d'hôtel pour causer plus librement. La chair était exquise, mais les convives étaient trop émus pour y faire honneur. C'est presque machinalement qu'ils remuaient leurs couteaux et leurs fourchettes. Ils ne mangeaient ni ne buvaient. À 10 reprises, ils essayèrent d'aborder des sujets étrangers à leurs préoccupations. 10 fois, après quelques monosyllabes, la conversation tomba. Ils reconnurent si bien l'inutilité de leurs efforts qu'étant passés après le dîner dans le cabinet de M. de Breuil où le café avait été servi, ils gardèrent le silence, chacun s'enfonçant dans ses réflexions. Leur situation, après les explications de l'après-midi, était au moins extraordinaire, mais l'entraînement des événements est tel qu'ils ne le remarquaient pas. André, qui était allé s'asseoir dans un coin, ne quittait pas la pendule des yeux. M. de Breuil, installé près de la cheminée, tracassait le feu. Enfin, sur les 10 heures, ils entendirent du bruit dans le vestibule, des chuchotements, le froufrou d'une robe de soie. M. de Breuil se levait quand la porte s'ouvrit brusquement. Madame de Boisdardon, en personne, entra comme un ouragan. « C'est moi, » fit-elle dès le seuil. La démarche était un peu plus que hardie, mais la vicomtesse n'en était pas à une extravagance près. « Si j'ose venir chez vous, Gontran, » reprit-elle avec une véhémence extraordinaire, « c'est que je tiens à vous dire en face ce que je pense de votre conduite. Elle est abominable, indigne d'un galant homme. Clotilde, taisez-vous, vous êtes un monstre. Ah, je comprends que vous n'ayez pas osé envoyer prendre des nouvelles de la pauvre Sabine. Vous aviez prévu l'effet de votre lettre. » M. de Breuil eut un sourire et se retournant vers André. « Que vous avais-je dit ? » fit-il. Il fallut cette observation pour que Madame de Boisdardon s'aperçût de la présence d'un étranger. Elle pensait qu'elle venait de commettre une horrible indiscrétion. « Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-elle en se reculant instinctivement. « Et moi qui vous croyais seul ?»« C'est au moins comme si je l'étais, » répondit gravement Monsieur de Breuil. « Monsieur est un de ses amis, pour qui on n'a pas de secret. » Il prit en même temps la main d'André et l'attirant près de la vicomtesse. « Permettez, ma chère Clotilde, que je vous présente M. André, un peintre, dont le nom, inconnu aujourd'hui, sera célèbre demain. » André s'inclina profondément, mais la vicomtesse était si stupéfaite qu'elle resta court. « Monsieur, » balbutia-t-elle, cherchant quelque chose à dire, « monsieur, le costume de cet ami intime la confondait. Puis, pourquoi cette singulière présentation ?»« Enfin, » reprit M. de Breuil, « on ne nous a pas trompés. » Il insista sur le nom. Mademoiselle de Mussidan est véritablement malade. Hélas, vous l'avez vue ? Oui, je l'ai vue, Gontran. Ah, que n'étiez-vous avec moi pour regretter cette fatale rupture ? Pauvre Sabine. Elle ne m'a pas reconnue Lorsque je suis entré dans sa chambre, m'a-t-elle vu seulement ? Elle est dans son lit, plus blanche que les draps, froide et immobile comme une statue, les yeux grands ouverts, sans chaleur, sans expression, pas une parole, pas un mouvement, rien. Et voilà plus de 24 heures qu'elle est ainsi. On la croirait morte, m'a dit sa mère, n'était de grosses larmes qui par moments glissent le long de ses joues. André s'était promis de se maîtriser quand même en présence de madame de Boisdardon, mais en apprenant la désolante vérité, son émotion fut plus forte que sa volonté, et il fut impossible d'étouffer les sanglots qui lui montaient à la gorge. « Ah, elle est perdue » s'écria-t-il, « je le sens bien. » L'explosion de sa douleur était si déchirante que l'insoucieuse vicomtesse se sentit le cœur serré. « Je vous assure, monsieur, que vous vous exagérez la gravité de la situation. Il n'y a nul danger, du moins pour le moment. Les médecins disent que c'est une sorte de catalepsie. Il paraît qu'on a fréquemment observé des accidents pareils chez des personnes nerveuses, sous le coup de quelque catastrophe inattendue, après un grand chagrin. « Mais quel chagrin ?» insista André. Madame de Boisdardon ne répondit pas. Elle s'était retournée vers M. de Breuil, et ses regards brillants de la curiosité la plus vive suppliaient. Comment ce jeune homme, qui semblait un ouvrier, se trouvait-il là ? D'où venait cet intérêt extraordinaire qu'il portait à Sabine ? Mon Dieu, répondit-elle enfin, personne ne m'a dit que la maladie de Sabine fut causée par la rupture de son mariage, mais je l'ai supposé. Non, interrompit M. de Breuil, ce ne peut être cela. Cependant, j'en suis sûr. Et mes sérieuses alarmes viennent de cette certitude. Que s'est-il passé ? Vous ne vous êtes pas informé, Clotilde ? On ne vous a rien dit ? L'assurance extraordinaire de M. de Breuil, un regard d'intelligence surpris entre André et lui, commençait à éclairer la vicomtesse. « Vous pensez bien que j'ai interrogé ? » répondit-elle. « D'abord, moi je déteste les cachotteries. Mais les réponses ont été très vagues. Si Sabine ressemble à une morte, Octave et sa femme, près du lit de leur fille, ont l'air de deux spectres. Ils l'auraient tuée de leurs mains, qu'ils ne seraient pas dans un plus affreux état. Ils me regardent avec des yeux si effrayants qu'ils m'ont fait peur. « Maintenant, après vos affirmations, je jurerai qu'on ne m'a pas tout avoué, car, voyez-vous, » M. de Breuil ne prit point la peine de dissimuler un geste d'impatience. « Enfin » interrompit-il, « qu'a-t-on répondu à vos questions ? Le voici exactement. » D'abord, toute la matinée, Sabine apparut si extraordinairement agitée que sa mère lui demandait si elle n'était pas souffrante. « nous savons aussi pourquoi elle était ainsi. « Hein ? » fit la vicomtesse stupéfaite. « Alors je passe. » Dans l'après-midi, vous êtes resté une demi-heure environ avec Sabine. Où est-elle allée en vous quittant ? On l'ignore. Il est prouvé seulement qu'aucune lettre ne lui a été remise, qu'elle n'est pas sortie de l'hôtel. Toujours est-il qu'une heure plus tard, elle est remontée à sa chambre, où se trouvait une fille qui la sert et qui lui est extrêmement attachée, Modeste. Sabine avait la figure absolument décomposée et balbutiait des mots inintelligibles. Voyant qu'elle chancelait, Modeste a couru à elle. Trop tard. Sabine est tombée à terre en poussant un cri déchirant. On l'a relevée et couchée, et depuis, elle est dans l'état que je vous dis. Elle n'a pas repris connaissance. Elle n'a ni prononcé une parole, ni fait un mouvement. On eût dit la vie d'André suspendue aux lèvres de madame de Boisdardon. Pour lui, ce n'était pas un récit. Grâce à ce phénomène magique de l'imagination, qui supprime le temps et l'espace, il assistait aux scènes décrites, il voyait Sabine à terre, il la voyait sur son lit immobile et glacée. Plus maître de soi, n'ayant pas la passion qui exaltait André jusqu'au délire, M. de Breuil écoutait moins la jeune femme qu'il ne s'efforçait de pénétrer sa pensée intime. « Et c'est là tout ? » demanda-t-il d'un ton singulier. « Mais oui, » répondit la vicomtesse, « c'est tout. Le jureriez-vous ? » La jeune femme tressaillit, et son hésitation fut visible. « Comme vous me dites cela ? » fit-elle avec un sourire forcé. « Comme vous me regardez ? Savez-vous que vous feriez un excellent juge d'instruction ? « Peut-être, » dit M. de Breuil, « peut-être. » Il s'interrompit. 1000 soupçons vagues, et qu'il lui était difficile de formuler, assiégeaient son esprit. Il avait, lui, l'expérience de la vie. Il savait, pour l'avoir appris à ses dépens, qu'il faut surtout se défier de ces apparences trompeuses que les imbéciles appellent l'évidence des faits. Cependant, au moment de prendre un parti fort grave, il hésitait. Il en calculait les conséquences. Et pour cacher ses irrésolutions, il se mit à arpenter son cabinet d'un pas saccadé. Après une minute du silence le plus gênant, il s'arrêta brusquement devant la vicomtesse qui était assise au coin du feu. « Ma chère Clotilde, commença-t-il d'un ton solennel. « Je ne vous apprendrai rien en vous disant que vous avez été souvent calomnié. Bon, je laisse dire. Mais je vous déclare que je vous juge bien autrement que le monde. Vous êtes l'imprudence même. Votre présence chez moi à cette heure en est une preuve. Vous êtes mondaine, frivole, étourdie, un peu folle. Mais vous êtes aussi, je le sais, une brave et digne femme, et vous avez bon cœur. » La vicomtesse, dont la timidité n'est pas le défaut, paraissait absolument déconcertée. « Ah ça !» balbutia-t-elle. « Où voulez-vous en venir ?»« À ceci, ma chère Clotilde, qu'on peut, n'est-ce pas, sans courir le moindre risque, vous confier un secret d'où dépend l'honneur et peut-être la vie de plusieurs personnes. » Beaucoup plus émue encore qu'elle ne le semblait, Madame de Boisdardon se leva. « Je vous remercie, Gontran, » répondit-elle simplement. « Vous m'avez bien jugé. » Mais André, qui comprenait enfin les intentions de M. de Breul, s'avança tout à coup. « Avez-vous bien le droit de parler, monsieur ? » demanda-t-il. M. de Breul lui prit la main qu'il garda un moment entre les siennes. « Mon ami André, mon honneur, en cette circonstance, est aussi bien en cause que le vôtre. Manqueriez-vous de confiance ?» Puis se retournant vers Madame de Boisdardon, « Dites-nous le reste, je parlerai après. »« Oh, le reste ? » commença la jeune femme. « Eh bien, peu de choses, et c'est de modeste que je le tiens. » Vous étiez à peine sorti de l'hôtel de Mussidan que M. de Clinchamp est arrivé. Clinchamp, un vieux maniaque, n'est-ce pas ? Qu'il a mis intime du comte. Précisément. Ils ont eu ensemble une, comment dire, une altercation si terrible qu'à la fin M. de Clinchamp s'est trouvé mal, qu'il a fallu l'inonder d'eau de mélisse, et qu'à grand-peine il a pu regagner sa voiture au bras d'un domestique. Ah, c'est déjà un indice, cela. Attendez. Le Clinchamp parti, Octave et sa femme ont eu une discussion de la dernière violence. « Vous connaissez, mon cher cousin. » Les éclats de sa voix faisaient trembler la maison. C'est pendant cette scène que Sabine est arrivée mourante dans sa chambre. Modeste croit qu'elle aura entendu quelque chose. Il n'était pas un mot de ce récit qui ne fortifiait un des soupçons de M. de Breul. « Vous voyez bien, ma chère Clotilde, s'écria-t-il, qu'il y a quelque chose. Vous irez comme moi quand vous saurez tout. » Et aussitôt, brièvement, clairement, sans omettre un détail important, il raconta l'histoire de André et de Sabine, et la sienne aussi. Pendant que parlait M. de Breul, Madame de Boisdardon frissonnait un peu de peur, un peu de plaisir. Elle allait donc pouvoir satisfaire, en tout bien tout honneur, cette passion d'anxiété qui tourmente les femmes inoccupées et qui souvent est la cause de leur pire folie. Lorsque M. de Breul eut fini, la vicomtesse lui tendit la main. « Pardonnez-moi mes injustes reproches, mon bon Gontran, » dit-elle. « Maintenant, je suis de votre avis. Oui, il y a quelque chose. » « Et quelque chose qui doit être, pour notre ami André, un obstacle de plus. »« Oh !» demanda le jeune peintre. « Pourquoi cela ? Je ne sais rien. Ce n'est qu'un pressentiment. Je n'ai pas de preuve et pourtant je ne doute pas. Or, notez bien ceci, » ajouta-t-il d'un ton menaçant, « j'ai pu, sur les prières d'une jeune fille sublime, me retirer devant vous. Je ne veux pas avoir ouvert le champ aux prétentions d'un autre. Mademoiselle de Mussidan, ne pouvant être ma femme, il faut qu'elle soit la vôtre. « Oui, » murmura la vicomtesse, « mais comment deviner ce qui s'est passé ? Nous le découvrirons, ma chère Clotilde. Si vous êtes pour nous, si vous consentez à nous aider. » Il n'est pas de femme, jeune ou vieille, que n'enchante la perspective d'avoir à s'occuper d'un mariage. Madame de Boisdardon fut ravie à la seule idée d'avoir à servir une passion si noble et si pure, et dont les commencements étaient si romanesques. Loin de la décourager, les obstacles qu'elle découvrait irritaient sa vaillance. Ne lui fournirait-il pas l'occasion de prouver une fois de plus la supériorité de la pénétration et de la diplomatie féminine ? Il lui faudrait lutter, se cacher, négocier, s'entourer de précautions et de mystères. Quelle joie ! « Je suis absolument à votre disposition, mon cher Gontran, » dit-elle. « Avez-vous un projet ?»« Non, M. de Breul n'avait pas de projet, mais il cherchait. » « Avec Mademoiselle de Mussidan, » commença-t-il, « on aurait tort de ne pas agir franchement. Adressons-nous à elle directement. Notre ami André va lui écrire pour lui demander une explication, et si demain elle va mieux, comme il faut l'espérer, vous lui remettrez la lettre. » La proposition était vive, la commission étrange, mais c'est certes ce dont se préoccupa le moins la vicomtesse. « Mauvais moyen, » fit-elle d'un petit air capable qui lui saillait à merveille. « Très mauvais moyen. Vous croyez ? J'en suis sûr. Au surplus, M. André nous écoute, qu'il juge. » André écoutait en effet. Il avait pu paraître brisé par la violence de ses sensations, mais il n'était pas de ceux qui abdiquent leur libre arbitre et qui, au moment décisif, s'abandonnent aux aspirations d'autrui. Interpellé par Madame de Boisdardon, il s'avança. « Je pense, répondit-il, que Madame a raison. Apprendre brusquement à Mademoiselle de Mussidan que nous avons disposé d'un secret qui est le sien plus que le nôtre serait une imprudence. » La vicomtesse approuva du geste. « Il est un expédient plus simple et plus sûr, » continua le peintre. « Si demain matin, Madame la vicomtesse, veut bien prier Modeste de se trouver au coin de la rue et de l'avenue de Matignon, elle m'y trouvera, j'y serai, et j'aurai par elle les renseignements les plus précis. « À la bonne heure !» déclara Madame de Boisdardon. « Voilà qui est sage. Demain, Monsieur André, de bon matin, je serai chez Octave et vos intentions seront fidèlement remplies. » Elle s'arrêta court et laissa échapper un petit cri de jolie femme effrayée. Son regard venait de tomber sur la pendule qui marquait minuit moins 20 minutes. « Ah, Seigneur » s'écria-t-elle en se dressant brusquement. « Et moi qui viens à l'ambassade d'Autriche et qui ne suis pas habillée. » Aussitôt, d'un geste coquet, elle ramena son grand cachemire sur ses épaules et s'élança dehors en criant « À demain, Gontran, je m'arrêterai chez vous en allant au bois. » Ce fut si prestement fait que M. de Breul n'eut le temps ni de sonner pour qu'on l'éclairât, ni de la reconduire. Il sortit, elle était déjà loin. Plus tranquille désormais, André et M. de Breul restèrent longtemps encore à causer au coin du feu, expansifs comme des gens qui, ayant souffert ensemble, poursuivent un but commun. Au matin, ils ne se connaissaient pas. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient comme deux vieux amis dont l'affection, basée sur une estime inébranlable, ne compte plus les services reçus ou rendus. M. de Breul avait offert à André de le faire conduire en voiture, mais le jeune peintre refusa, demandant seulement une coiffure et un paletot qu'il passa sur sa blouse blanche. « Demain, » murmura-t-il en se retirant, « demain, Modeste me donnera des détails. Pourvu toutefois que cette femme si excellente et si légère ne m'oublie pas. » Mais Madame de Boisdardon, ainsi qu'elle se plaît à l'affirmer, sait être sérieuse à l'occasion. En rentrant du bal, elle ne se coucha pas, afin d'être avant 10 heures chez M. de Mussidan. Aussi, lorsqu'à midi André arriva au rendez-vous, il aperçut Modeste qui déjà l'attendait. La brave fille avait une mine de déterrée. Ses joues blêmes, ses yeux rougis, disaient qu'elle avait ressenti le contre-coup de toutes les douleurs de son adorée maîtresse. Sabine n'avait pas repris connaissance. Le médecin de la maison ne paraissait pas inquiet, mais il demandait une consultation. Voilà ce que tout d'abord Modeste apprit à André. Mais à ses pressantes questions, elle ne put rien répondre. Elle avait bien réellement dit à la vicomtesse tout ce qu'elle savait. Cependant, la conversation entre eux fut longue. En se quittant, ils convinrent de se rencontrer matin et soir à la même place. Pendant 2 jours encore, la situation de Sabine resta la même. André menait une existence affreuse. Il passait sa vie à courir de chez lui rue de Matignon et de là chez M. de Breul, où il rencontrait souvent Madame de Boisdardon. Enfin, le 3e jour, au matin, il trouva Modeste plus désolée. La catalepsie avait cessé, mais maintenant Sabine se débattait contre les convulsions d'une fièvre nerveuse. La fidèle femme de chambre et André étaient si bien isolés par leur douleur qu'ils ne virent pas passer près d'eux un des domestiques de l'hôtel de Mussidan, le beau Florestan, qui allait jeter à la poste une lettre à l'adresse de P. Mascaro. « Écoutez, Modeste, » interrompit André d'une voix à peine distincte, « elle est en danger, en grand danger, n'est-ce pas ?»« Le médecin dit qu'une crise pareille ne peut se prolonger. Avant la fin de la journée, on saura. Revenez à 5 heures. » André s'éloigna de ce pas rapide, particulier aux infortunés qui ont perdu la raison. Il délirait quand il arriva chez M. de Breul. L'idée que Sabine se mourrait peut-être et qu'il ne pouvait recueillir le dernier soupir de cette âme qui avait été tout à lui le transportait jusqu'à la fureur. Il perdait si bien la tête que le moment venu d'aller chercher des nouvelles qui semblaient devoir être fatales, M. de Breul insista pour l'accompagner. Comme il quittait la contre-allée de l'avenue, ils virent une femme, Modeste, qui accourait vers eux. « Elle dort » cria-t-elle. « Le médecin dit qu'elle est sauvée. » André chancelait, et M. de Breul fut obligé de le soutenir jusqu'à un banc, sur lequel il tomba mourant. Il ne se doutait pas qu'ils étaient observés. À 20 pas du banc, 2 hommes, B. Mascaro et le beau Florestan, épiait tous leurs mouvements. Tiré de sa trompeuse sécurité par le billet trop laconique de Florestan, l'honorable placeur, en sortant de chez lui, s'était emparé sans façon du coupé du docteur Hortebise. Le cheval, un trotteur de premier ordre, n'avait pas mis un quart d'heure à franchir la distance assez considérable qui sépare la rue Montorgueil du faubourg Saint-Honoré. Cependant, l'anxiété de Bémascaro était si pressante que 10 fois le long de la route, et bien que la voiture brûlât le pavé, il se pencha hors de la portière pour crier au cocher « Nous ne marchons pas !» C'est devant l'établissement du père Canon, ce protecteur éclairé du corps de chasse, que le placeur se vit arrêter. Fait surprenant, c'était l'heure de l'absinthe, et cependant Florestan n'était pas chez le marchand de vin. « Il va venir !» Mais Bémascaro, incapable de supporter une plus longue incertitude, l'envoya chercher à l'hôtel de Mussidan et il accourut. Lorsque le beau domestique l'eut informé de la crise heureuse qui était survenue et qui très probablement assurait le salut de Sabine, alors seulement le placeur respira. Depuis un moment, il se demandait si le patient et fragile édifice de 20 années d'intrigue n'était pas brisé en 1000 pièces. Par exemple, il fronça le sourcil lorsque Florestan le mit au fait des entrevues quotidiennes de Modeste et de ce jeune homme qu'il appelait l'amoureux de mademoiselle. « Ah ! » murmura-t-il, « que ne puis-je assister, fût-ce de loin, à ces rendez-vous ?»« Mais il me semble que rien n'est plus facile, » répondit Florestan. Et tirant de son gousset une ravissante petite montre d'or qui devait être un présent de l'amour, il ajouta « C'est à cette heure-ci à peu près que nos gens se retrouvent, toujours au même endroit. » Par conséquent, papa, si le cœur vous en dit, oui, sortons. » Ils sortirent aussitôt, et craignant d'être aperçus ensemble, pour plus de sûreté, c'est par la rue du Cirque qu'ils gagnèrent les Champs-Élysées. Pour eux, l'endroit était favorable. Non loin du trottoir de l'avenue de Matignon, du côté du Cirque de l'Impératrice, s'élevait une 12 douzaine de ces petites boutiques en planches, où l'été, de vieilles femmes vendent des jouets et des gâteaux poussiéreux. « Nous serons divinement derrière une de ces baraques, » proposa Florestan. La nuit tombait. Déjà des allumeurs de réverbères avec leurs petites lanternes au bout d'une longue perche passaient en courant pour aller commencer leur besogne en haut de l'avenue. Cependant, on distinguait encore très nettement les objets et les personnes. Il y avait environ 5 minutes que l'honorable placeur était à l'affût lorsque son digne compagnon le poussa vivement du coude. « Attention, voici Modeste !» Pourvu qu'elle ne s'avise pas de venir de notre côté. Non, elle prend sa course. Tiens, l'amoureux est avec un de ses amis ce soir. Allons bon, on dirait qu'il se trouve mal. Heureusement, l'autre le soutient. Voyez-vous, papa ? Bémascaro ne voyait que trop. Cette scène, qui trahissait la plus ardente passion, lui causait un vif déplaisir. S'attaquer au bonheur d'un homme qui aime véritablement et se sait aimer est toujours périlleux. Ainsi, demanda le placeur, c'est bien ce grand brun qui se pâme comme une carpe sur ce banc qui est l'adorateur de la demoiselle, vous l'avez dit. Décidément, murmura Bémascaro, il faut savoir juste qui est ce gaillard-là. Florestan prit son air le plus diplomatique et ricana d'un petit ton friand. Hé hé, tu le connais ? Interrogea vivement le placeur. Allons, papa Mascaro, répondit le beau domestique, ne vous emportez pas. On va tout vous dire sans vous faire languir. Vous êtes un bon enfant, vous. Donc, avant-hier, je fumais ma pipe devant la grille de l'hôtel, quand je vois passer notre jeune coq. Dame, il avait la crête basse, mais je comprends ça. Si ma connaissance tombait malade, je serais tout chose. Bref, n'ayant rien à faire, je me dis, toi, je saurais qui tu es. Et là-dessus, je me mets à le suivre, les mains dans mes poches. Il marche, moi aussi, naturellement. Enfin, il entre dans une maison. Bon. J'entends derrière lui une minute après. Je vais droit à la portière, et lui montrant ma blague que j'avais tirée de ma poche, je lui dis « Voici ce que vient de perdre le jeune homme qui monte. Le connaissez-vous ? » « Certainement, » répondit-elle, « c'est l'artiste du 4e, monsieur André. » « Mais cela se passait rue de la Tour d'Auvergne, numéro ?» interrompit Bémascaro. « Juste, » répondit le beau domestique abasourdi. « Ah, vous me faites poser ? Vous êtes mieux informé que moi ? » Non. L'honorable placeur ne faisait pas poser Florestan. Lui-même, il était confondu de l'étrange insistance du hasard à pousser ce jeune homme à travers ses combinaisons. Le lendemain du jour où la cuisinière de Rose, devenue de par le jeune Gaston de Grandlieu la vicomtesse Zora, devait parler d'un artiste connaissant le passé de Rose et de Paul Violaine, et pouvant le raconter, il s'était mis sur ses gardes. Pantaine était allé aux informations et était arrivé jusqu'à Madame Poilveux, c'est-à-dire jusqu'à André. Aujourd'hui, cet amoureux de Mademoiselle de Mussidan, si gênant pour le présent et qui pouvait devenir si menaçant, se trouvait être ce même André. Au moins, demanda Abbé Mascaro au beau domestique, as-tu redemandé ta blague à la concierge? Ma foi non. J'avais dit que je venais de la trouver, je la lui avais laissée. Je m'en moque, je n'y tenais pas. Imprudent! S'écria le placeur. Fou! Moi, pourquoi? Abbé Mascaro hésita une minute et finit par répondre. Pour rien. La vérité, il ne pouvait la dire à Florestan. La vérité qu'il était aussi mécontent que possible en songeant que cette preuve d'investigation qu'il n'avait pas ordonnée resterait entre les mains de la Poilveux. Il faut si peu de choses pour mettre un homme habile sur la voie de l'intrigue la plus compliquée. N'a-t-il pas suffi à Candler d'un chiffon de papier qui avait enveloppé une chandelle pour remonter jusqu'à la bande de la rue Saint-Denis? C'est une pincée de cendre de cigare trouvée sur le marbre d'une cheminée qui a livré Corvincini à M. Lecoq. Voilà, murmura-t-il, si bas que Florestan ne put l'entendre, de ces inepties qui ne se réparent pas. Mais il s'arrêta pour concentrer sur André toute son attention. Le jeune peintre était revenu à lui, il s'était redressé, et il causait avec une animation singulière. Il devait dire des choses très fortes, car Modeste en paraissait effrayée et levait les bras au ciel. « Ah ça, maintenant ?» reprit B. Mascaro. « Quel autre ? Qui a l'air un peu anglais ?»« Quoi ? Vous ne connaissez pas M. de Breuil Faverley ?»« De Breuil ? Celui qui ?»« Celui qui devait épouser mademoiselle, précisément. » L'honorable placeur était de ces redoutables aventuriers que rien ne déconcerte ni n'étonne, toujours prêt à tout, qu'un coup de poignard dans le dos fait à peine retourner. Cependant, il ne fut pas maître d'un mouvement de terreur et laissa échapper un effroyable juron. « Tonnerre du ciel ! » s'écria-t-il. « Breuil et André sont donc amis ? Ah, pour ça, vous n'en savez rien ni moi non plus, papa, vous êtes trop curieux. » Il fallait que B. Mascaro fût hors de son sang-froid pour demander cela. Tout dans l'attitude de ces deux hommes décelait une grande intimité. Modeste venait de les quitter. Il s'éloignait dans la direction de l'avenue de l'impératrice, se tenant familièrement par le bras. « Je vois, reprit le placeur, que M. de Breuil se console d'avoir été congédié. »« Congédié, lui ?» Je ne vous ai donc pas dit, mais au fait, non. Eh bien, c'est M. de Breuil qui a écrit pour retirer sa demande. Cette fois, B. Mascaro eut la force de garder le secret du coup terrible qui lui était porté. C'est même d'un air riant, après quelques questions encore, qu'il se sépara de Florestan. Mais il était affreusement bouleversé. Après avoir cru sa partie gagnée, il la voyait non perdue, mais compromise. Quoi ? Grondait-il, les poings crispés par la colère. Lorsque je touche au but, la sotte passion d'un enfant m'arrêterait? Non, cela ne sera pas. Il faut que j'arrive. Je le trouve en travers de mon chemin. Tant pis pour lui.